massacrer le camp. Ça fait un peu cliché. Puis dans ce lycée, je t'ai reluqué. Tu t'es bouché le nez, je m'étais pas lavé. Mais t'as secrètement adoré. Même quand t'es chaud, t'es froid et dur comme du marbre, je t'aime Edouard, je t'aime Edouard. T'es pas Dracula, mais où que t'es là, quand j'ai besoin de ça, crise de sensivoire. Toi Jacob, c'est pas trop ça. Et toi Mike, c'est pas ce que tu crois. Même quand t'es chaud, t'es froid et dur comme du marbre, mais je t'aime Edouard, je t'aime Edouard. Loup-garou, musclé et tout, tatatou. Il m'a enlacé et me dit qu'il m'aimait. Sauf que lui, c'est pas lui, ou peut-être l'autre aussi. C'est tordu d'être humaine à bébé. Même quand t'es chaud, t'es froid et dur comme du marbre, mais je t'aime Edouard, je t'aime Edouard. Tu n'es pas moca, mais où que t'es là, quand j'ai besoin de ça, crie de Saint-Cyboire. Toi papa, ne t'inquiète pas, ta fille à jamais je restera. Même quand t'es chaud, t'es froid et dur comme du marbre, mais je t'aime Edouard, je t'aime Edouard. Leur déjeuner, bien ils veulent m'aimer, je sais pas, je suis tanné. J'ai sacré le camp, ça fait un peu cliché. Même quand t'es chaud, t'es froid et dur comme du marbre, mais je t'aime Edouard, je t'aime Edouard. Tu n'es pas Yuki, mais t'es pas ici. Quand j'ai besoin de ça, crise de Saint-Cyboire. Mais quand t'es chaud, t'es froid et dur comme du marbre, mais je t'aime Edouard, je t'aime Edouard. T'es pas lucarne, mais tu n'es pas là. Quand j'ai besoin de ça, crise de Saint-Cyboire. Toi tu mourras pour ta femme, je mènerai la famille, tu verras. Même quand t'es chaud, t'es froid, je te suivrai Edouard dans cette Twilight, cette putain de Twilight.